Dossier 6, dans la forêt lointaine. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou.